Chapitre 9. Où l'aigle tombe, où le corbeau croasse, où le loup hurle, où le lion rugit. De grosses larmes roulent dans les yeux de Charlemagne. Il regarde tristement ses pères et se demande si Dieu permettra que de pareils champions de la croix meurent sans gloire sous le poing d'un mécréant. Olivier se signe et s'élance sur le géant. Tout le monde tremble. Olivier seul ne tremble pas. Il va sans dire, mes enfants, que les conditions ordinaires de ces sortes de combats avaient dû être modifiées, car elles défendaient de frapper ailleurs qu'entre les quatre membres et jamais de pointe. Angoulafre, ayant 6 fois la taille d'Olivier, comment s'y fussent-ils pris? Les deux combattants s'élancent l'un sur l'autre et disparaissent au milieu d'un nuage épais de poussière. Puis on entend un grand bruit de ferraille qui glace le sang dans toutes les veines. Olivier est-il désarçonné? Est-ce le bruit de sa chute? Non. Le nuage se dissipe et laisse voir Olivier fermant selle à l'extrémité de la lisse, prêt à fournir une nouvelle course. Sa lance a rompu la boucle du ceinturon d'Angoulafre, dont le sabre a creusé en tombant une profonde ornière dans le sol. Des acclamations frénétiques retentissent. « Hurrah pour le bon chevalier !»« Laissez aller !» Ils s'élancent de nouveau et disparaissent dans la poussière. Cette fois encore, Olivier échappe au colosse. Mais celui-ci, gêné par le peu d'étendue de l'arène et ayant mal calculé ses distances, arrive la lance en avant sur les tribunes publiques. Son arme redoutable trace un sillon mortel dans la foule et ébranle la charpente qui s'effondre sur les assistants. Dans la bagarre, le cheval d'Angoulafre s'est déchiré le poitrail. Jamais Ganelon n'a été de si bonne humeur. Il déteste Olivier, dont l'amitié pour Roland est proverbiale. « Ce soir, se dit-il, ces vantards dormiront entre quatre planches. » Lupus n'a ni moins de joie ni moins de haine au cœur que Ganelon. Le duc d'Aquitaine, ébloui par la beauté de la sœur d'Olivier, a demandé sa main. Gérard de Vienne l'a repoussé avec mépris. « Demandez-la à Roland, » a ajouté Olivier en riant. Lupus et Ganelon étaient faits pour s'entendre. Aussi ne cessent-ils de plaisanter à voix basse pendant qu'Olivier combat. Charlemagne, qui n'aimait pas que l'on fût d'humeur joyeuse dans de pareilles occasions, ne tarde pas à remarquer ses rires étouffés et en être impatienté. Ce bourdonnement ironique l'agace. La harangue d'Angoulafre lui grince encore dans les oreilles. Aussi se croit-il le sujet des railleries de ses vassaux. Il se redresse alors, heureux de trouver un prétexte pour donner cours à sa colère, et s'adressant à Ganelon et à Lupus, « Le loup et le corbeau, Dieu me pardonne, osent railler l'aigle? Est-il donc descendu si bas qu'il se trouve à leur portée ?» Que notre Seigneur ne se méprenne pas de la sorte, reprend Lupus. L'acte récent de soumission que nous avons fait n'est-il pas de nature à nous mettre à l'abri de semblables suppositions? Quelle est donc alors la cause de cette joie malsaine? Quand le loup est en gaieté, le berger doit prendre garde. Un coup maladroit d'Olivier nous a fait sourire, dit Ganelon en lançant un mauvais regard sur les combattants. Ah! « C'est ce vaillant qui est en butte à vos railleries ? En vérité, vous eussiez mieux fait de rire de moi. Ne suis-je donc plus Charlemagne, et ce mécréant avait-il raison ? Parce qu'un géant m'a regardé en face, voilà que les nains viennent me mordre les talons. Un de mes meilleurs soutiens a osé, pour l'amour de moi, tenter une entreprise dont la pensée est faite pour donner le vertige. Peut-être il va mourir. » Et l'on ose rire de lui à mes côtés? Vous avez eu grand tort, je vous assure. Et puisque l'aventure que court Olivier est de celles qui font sourire, vous la courrez tous deux sur l'heure. Maintenant, corbeau, maintenant, loup, priez pour ce vengeur, car je jure Dieu que vous le remplacerez au combat. » Puis, laissant Ganelon et Lupus interdits, Charlemagne fut se rasseoir. Olivier et Angoulafre, qui n'attendaient que la présence du roi, coururent de nouveau l'un sur l'autre. Cette fois, Ferrand d'Espagne arriva seul de l'autre côté de l'arène. Le géant avait mieux pris ses mesures. Il s'était baissé de telle sorte que son visage touchait l'encolure de son cheval. Olivier en profita et lui enfonça sa lance dans l'œil gauche. Angoulafre alors le saisit dans sa main puissante et le serra tellement que l'armure, faussée de tous côtés, lui entra dans les chairs. On vit alors le colosse se dresser sur ses étriers et lancer à terre le malheureux chevalier qui y demeura sans mouvement. Son armure était broyée et remplie de sang. Des cris d'horreur retentirent de tous côtés, mais ils furent bientôt couverts par les vivats et la musique des Sarrasins. Charlemagne reste immobile. Ses yeux ne quittent pas le corps d'Olivier. Ses preux l'entourent, lui demandant de les envoyer au combat. Il ne les entend pas. On apporte une civière, des médecins accourent, un cri s'élève. « Olivier respire encore !» Alors Charles se redresse et, des larmes dans les yeux, il s'écrie « Monseigneur Saint-Jacques, vous en qui j'ai toujours eu tant de foi, sauvez ce brave chevalier et je vous promets une chapelle au pays des Sarrasins. Elle sera si belle, Monseigneur Saint-Jacques, que vous en verrez Dieu et les saints jaloux. » Puis, se tournant vers Ganelon et Lupus, « Et maintenant à vous, comte de Mayence, à vous, duc d'Aquitaine, je vous jure le Dieu Tout-Puissant que si vous n'acceptez pas le combat, demain, à la même place où ce vaillant vient de tomber, vous serez dégradé de l'ordre de chevalerie. » Qu'il en soit ainsi, dit Ganelon, si nous ne vous faisons pas voir que nous sommes d'aussi bonne race que vos favoris. Et suivi de Lupus, il descend dans le champ clos.